Rouletabille chez Krupp, chapitre 20. À fond de cale. Le Wesel, cargo qui fait le transport des marchandises entre Duisbourg et la Hollande, est encore à quai, mais se tient prêt à remonter le Rhin. Dans les ténèbres silencieuses de l'entrepont, que perce l'unique et très précise lueur d'un falot, un craquement subit s'est fait entendre. Et comme si le bruit, dans cette nuit muette, s'était étonné lui-même, il s'est arrêté aussitôt, et puis il recommença d'être, mais cette fois hésitant. Incertain et si peureux de ses échos qu'il finit par expirer tout doucement à bout de force. Enfin, tout à coup, il y eut dans la nuit le sursaut brutal et rageur d'un éclatement. Des planches furent projetées et d'une caisse éventrée, un corps roula dans la lueur sanglante du falot balancé entre deux madriers obliques. Puis un autre corps roula. Ces deux corps étaient vivants. L'espace dont disposait pour leur mouvement n'était pas assez vaste pour qu'ils puissent s'étendre en hauteur, aussi s'étant vivement relevés sur leurs genoux. Ils se retrouvèrent en face l'un de l'autre comme deux corps de bêtes aux mufles, soufflant, haletant et hostiles. L'un de ces souffles demandait « Nicole ?» et l'autre ne répondait toujours que par halètement. Serge Kanievski et Rouletabille étaient en face l'un de l'autre, au fond de la cale du Wesel, au fond de l'abîme. « Nicole !» répéta la voix grondante du Pollet. « Où est Nicole ?»« Dans une de ces caisses, » souffle Rouletabille. « Mais où ? Elle est peut-être évanouie, elle est peut-être morte. Pourquoi ne donne-t-elle pas signe de vie? Pourquoi? Les caisses ont été séparées les unes des autres. Attendez donc un peu, de la patience et du sang-froid. Nos compagnons ne sont peut-être même pas dans cette cale. Ces caisses ont été laissées sur le pont. Vous m'aviez juré qu'on ne nous séparerait pas. Vous dites que nous sommes séparés, réplique la voix lugubre de Rouletabille. Nous sommes tous à bord. On finira bien par se retrouver. Mais la fièvre du Polonais le faisait grandir. Il tournait dans l'étroit espace comme une hyène dans sa cage. Il revenait à Rouletabille en montrant ses dents comme s'il ne pouvait plus se retenir de le dévorer. Silence, commanda le reporter. Il me semble que l'on a remué de ce côté. Et il s'enfonça dans les ténèbres. On entendit au fond de la nuit sa voix prudente qui appelait la candeur et Fulbert. Le Polonais l'eut bientôt rejoint. Pourquoi donc n'appelles-tu pas Nicole? Et Serge supplia. Nicole. Mais le silence seul répondit à ses appels désespérés. Elle est morte, râla le Polonais. Sans quoi elle eût entendu déjà ma voix. Ah, j'avais raison de ne pas vouloir me laisser enfermer dans cette caisse sans elle. Mais si elle est morte, je vous tuerai tous. Vous ferez ce que vous voudrez, souffla Rouletabille. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Dis-moi donc que tu l'as sauvée, si tu ne veux pas mourir sur le champ. Et le Polonais, qui paraissait au bout de sa raison, accula Rouletabille dans un coin, comme s'il voulait l'y réduire en miettes. Rouletabille repoussa le mufle de l'homme qui l'envoyait son souffle de feu dans la figure, ce qui ne fit que redoubler la rage de l'autre. Ah, grinça le Polonais, dont l'écrou a grippé la cravate de Rouletabille. Dis-moi donc qu'elle est sauvée, dis-moi cela où je te jure que tu as vécu. Alors le reporter, ayant secoué encore cette bête méchante, revint se glisser jusqu'au-dessous de la lueur du falot, et là, assis sur ses talons, le menton dans ses mains, il dit « Je te répète que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la sauver. Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Si tu dis à ta peau, il faut me faire voir Nicole. » « Je ne tiens pas à ma peau, mais tu verras, Nicole. »« Ah, j'ai mis l'autre, exténué de rage impuissante et d'angoisse farouche. »« Si elle était sauvée, tu ne me parlerais pas ainsi. »« elle est morte, misère de ma vie. »« Elle est morte, et nous sommes vivants. » Rouletabille, cette fois, ne répondit pas. Il alla chercher au fond d'une de ses poches un papier, le déploya lentement et le donna au Polonais. Serge prit machinalement la feuille, mais ne comprenait pas. Rouletabille lui dit « Lis !» Et le Polonais, à la lueur du falot, lut. Quand il eut fini de lire ce qui était écrit sur cette feuille, il eut pris connaissance de ce blanc-seing donné au criminel par la victime elle-même. Il n'eut plus ni cri, ni soupir, ni râle, ni rien. La tête de l'homme retomba et frappa l'entrepont d'un bruit sourd. Rouletabille ranima en vain le corps inerte. La vie de cet homme était si liée à la vie de Nicole que l'idée même de la mort de Nicole avait quasi jeté Serge au néant. Pour l'en faire sortir, il ne fallait rien moins que l'eau glacée d'une bouteille que le reporter a cherchée dans sa caisse, et surtout que cet imprévu dictum glissait dans l'oreille. Elle n'est peut-être pas morte. L'homme eut un mouvement, un soupir, et ouvrit les yeux. Le passage de la vie furieuse de tout à l'heure à ce presque anéantissement, déterminé par l'idée seule de la mort de l'objet aimé, avait été prévu par Rouletabille. Et la brutalité de son acte avait été calculée. Dans l'espérance, une possibilité d'explication qu'elle lui eût fallu renoncer sans secours d'assommoir. Cependant, le reporter était au bout de ses forces. Son œuvre était accomplie. Quoi qu'il arrivât maintenant, jamais plus les Prussiens ne disposeraient des secrets d'un homme qui n'aurait plus l'occasion de leur livrer ceci. Si l'affaire tournait mal, Rouletabille mourrait avec Serge, car il n'hésiterait pas plus à le frapper qu'il n'avait hésité dans cette minute tragique où il avait fait un cadavre dans les demi-ténèbres de la chambre de dessin. Fort d'être parvenu ainsi sans défaillance à priver le Titania de l'âme dont elle avait besoin pour vivre de sa vraie vie, faible de tous les efforts dépensés, mais aussi de la douleur foudroyante de cet homme qui l'écoutait comme mourant écoute la parole qui peut le rattacher à la vie, Rouletabille, indifférent désormais en ce qui le concernait, aux conséquences d'un aveu qui pouvait lui être fatal, avoua qu'il avait frappé à mort Nicole, parce qu'il n'était pas sûr que ce fût Nicole. Il narra la chose comme on lit un rapport, d'une voix blanche et monotone, qui ajoutait, sans qu'il s'en doutât, à l'horreur d'un crime rendu nécessaire, non point par une certitude quelconque, mais par un doute absolu. Car le doute, lui aussi, est une conclusion, comme l'affirmation, comme la négation, et entraîne, dans certaines circonstances, un impitoyable verdict. Il commença par dire comment il avait assisté à la fameuse entrevue de Serge et de la fille de Fulbert, et ce qui s'en était suivi, comment Nicole avait été amenée à lui signer ce papier qui lui donnait sur elle droit de vie et de mort. Et puis ça avait été l'absence prolongée de la jeune fille, l'inquiétude de Rouletabille, sa visite nocturne à la maison de Hans, devant la fenêtre de Nicole, et puis l'inutile retour de Nicole en compagnie d'Elena dans le bureau de Richter, et enfin le déjeuner de fiançailles. C'était là que le drame s'était noué formidablement. À un moment, Rouletabille s'était demandé s'il en avait réellement en face de lui la fille de Fulbert. Or, à ce moment, Rouletabille avait déjà prononcé les paroles, promettait la fuite et indiquait le rendez-vous nocturne dans les bureaux de Richter. Ainsi s'expliquait la pâleur et le subit désarroi du reporter Hans Lesnerhoff, déjà depuis quelques minutes, et il était étonné de certaines attitudes, de certaines façons d'être de Nicole, qui ne lui revenaient guère. Le calme de la jeune fille, sa passivité devant les manifestations brutalement patriotiques des invités du général von Berg, lui était apparu quasi inexplicable, en face du souvenir de l'exaltation vengeresse qui avait secoué précédemment la fiancée de Serge. Et cela en dehors de toute prudence, lors de son entrevue avec le Polonais. Que Rouletabille eut mis un instant une si inattendue réserve au compte de l'héroïsme, elle avait bien fallu, mais dans la conversation qu'il avait eue ensuite avec la jeune fille, celle-ci lui avait si singulièrement souri, ce qui lui avait rappelé son engagement, que Rouletabille avait eu la sensation aiguë qu'elle ignorait tout à fait la nature de cet engagement-là. On sourit ainsi au rappel d'un engagement d'amour, et non d'un engagement de mort. Et si, en se retournant sous l'effondrement, déterminé par cet incroyable sourire, Tabine avait aperçu le général von Berg qui fixait sur eux ce regard assidu, le reporter aurait eu, à peu près, la certitude qu'il venait de parler à une autre qu'à Nicole. Quoi, ce sourire n'était-il point commandé par le jeu de comédie auquel Nicole devait s'astreindre sous des regards trop... Angoisse inexprimable, inquiétude sans nom, préscience d'une suprême fourberie d'un ennemi qui avait besoin, pour aller jusqu'au bout de son chantage, d'une Nicole bien portante, alors que l'autre, la vraie, n'était plus sans doute à cette heure qu'une morte ou qu'une moribonde. Cette supercherie était d'autant plus facile à concevoir, qu'elle était plus facile à exécuter, car on ne devait montrer la fausse Nicole que de loin, et rapidement, à un homme qui brûlait de fièvre derrière le carreau d'une vitre. Il s'agissait moins de trouver une ressemblance exacte qu'une silhouette d'une conformité approximative. La Nicole, exhibée au gala de Lesnerhoff, était inconnue de ceux qui n'étaient point les artisans de cette redoutable comédie, autant que la véritable fille de Fulbert. Il n'y avait que Rouletabille qui put concevoir des soupçons, et encore. Rouletabille, il faut nous le rappeler, connaissait très peu Nicole. Il ne l'avait aperçue de près qu'une seule fois, dans la pénombre de son petit cabinet de travail, quand elle avait été jetée par Lappenberg et dans des circonstances si dramatiques qu'il pouvait se rappeler assez exactement les détails à quoi l'on ne se trompe point sur une ressemblance. Quant à la voix, il n'avait échangé que de rapides paroles à l'oreille. Pour corroborer le doute de Rouletabille, il y avait la dernière visite de Nicole chez Richter, quand la jeune fille, laissée seule dans la salle du dessin, n'avait même pas tourné la tête du côté du bureau de Rouletabille, et avait sursauté à l'apparition de ce dernier, comme une personne surprise, et n'ayant aucune idée que le local pût être habité. Était-ce encore là de la comédie, destinée à tromper d'autres que Rouletabille? Le jeune homme ne le pensait plus. Depuis le sourire du déjeuner des fiançailles. En tout cas, le reporter avait le droit de douter. En face de ce devoir de doute, il considéra son devoir d'action. La Nicole à laquelle il avait parlé, vraie ou fausse, ne savait de son projet, fuite, que l'heure et le lieu. Mais elle ignorait encore tous ses moyens d'évasion. De toute façon, elle serait exacte au rendez-vous, d'autant plus exacte que si c'était une fausse Nicole, pour en savoir davantage. Sans doute aurait-elle pris ses précautions et averti qui de droit. Sans doute aurait-on préparé, de concert avec elle, un traquenard, il appartenait à Rouletabille, en conséquence de quoi le reporter avait lui préparé la fausse piste qui, en tout état de cause, devait égarer pendant quelques instants tous les chiens de police lancés sur les fuyards. Quand le moment d'agir fut arrivé, on sait comment, à cet instant précis, avaient surgi de toutes parts les ombres, qui ne surprirent point le reporter, qui vinrent ajouter un poids nouveau dans le plateau de la balance où Rouletabille était en train de peser la fausse Nicole. Toutefois, l'esprit du reporter gardait trop de lucidité pour donner une valeur de preuve à cette intervention redoutable. Le policier pouvait être là et avoir surpris les secrets de Rouletabille, sans que Nicole les eût dénoncés. Et puisque le reporter n'avait pas le temps, vu la rapidité des événements, d'établir l'identité réelle de la jeune fille avec l'aide de son père et de son fiancé, il avait frappé sans savoir au juste qu'il frappait, et parce que c'était son devoir de frapper, et parce qu'il avait reçu de la même de la vraie Nicole l'ordre de frapper. Il serait difficile de donner à ce froid résumé d'un récit argument, comme seul Rouletabille était appelé à le concevoir, la couleur glacée et fatale qui en faisait au fond de cet abîme où une si grande passion bouillonnait, l'originalité. Un professeur armé d'un bâton de craie n'aurait point tracé d'une façon plus calme et plus détachée sur le tableau de l'école les lignes de son raisonnement algébrique, au bout duquel il ajoute à l'ordinaire les lettres fatidiques, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Mais voilà que le reporter n'incitait pas plus tôt tu que des grondements sinistres remuèrent l'ombre, que la voix de Serge, bavante et glapissante, emplie de syllabes farouches. Rouletabille releva la tête et vit en face de lui des yeux de flamme, des yeux de loup, quand les loups ont faim de chair humaine. Malgré son sang-froid, il ne put soutenir l'éclat sanglant de ces deux yeux-là, et il tourna la tête. Alors il vit deux autres yeux, moins brillants, moins brûlants, mais si effroyablement tristes qu'ils lui firent encore plus peur que les premiers. En même temps, il entendit la voix de Fulbert qui disait « Et maintenant, comment allons-nous savoir si c'est ma fille que tu...